On va en reparler tout à l'heure. Il y a plein de choses à raconter sur cette Winter Music Conference, la 23e de cette année. Cette année, c'est la 23e. Pas de cette année, je voulais dire cette année. Bon, allez. Ça, c'est fait. On enchaîne, en tout cas. Tu vois qu'il chante quand même. Tu cherchais justement s'il allait chanter. Il a chanté quand même. Et oui, il a chanté. Tout doucement, mais. Toi, il a chanté d'ailleurs. Ah, c'est beau, c'est beau. Les meilleures nouveautés Soulful, Garage et House sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. Le coup de cœur de la semaine avec un artiste qu'on retrouvera du côté de notre soirée Art & Soul à Miami avec donc Ralph Gom featuring Diamond Dancer. C'est marrant quand tu dis ça, il y a des lunettes de noir qui viennent sur tes yeux avec la petite étincelle sur les dents là. Ding. Avec le titre All This Lover For You sur le label Gogo Music, qui est son label, qui est son label aussi, ouais. Donc d'accord. On aura l'occasion de retrouver tout ça, d'entendre ce titre, à mon avis, qui risque d'être pas mal joué, ouais, qui est déjà bien en très bonne position dans les charts de Tracksource. Donc à découvrir en exclu sur Art & Soul. Très bon, très bon. Et en plus, c'est chanté. Et je vais juste m'arrêter avant de parler. En tout cas, c'est Art & Soul qui nous accompagne jusqu'à 19h. Elle va chanter. Well, it's been 10 years since we first started meeting like this. house music. Avec un instant le coup de cœur de la soirée. Ah oui, notre ami Tim Watt Hamilton, s'il vous plaît, pour les intimes. Avec, on peut peut-être rappeler les références. Ralph Gom, bien sûr, ben avec Diamond Dancer. Oui, son label Gogo Music. Donc vous pouvez aller sur son site, c'est www.gogo-music.net. Et bien sûr son MySpace, myspace.com. MySpace. Je prends déjà l'accent, je me sens bon. myspace.com/Ralph Gum. Donc Gum, c'est G-U-M. Tout simplement. Comme les chewing gum. Comme voilà. Les chewing gum et les bubble gum. Ouais. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Alors, label justement de la semaine, il s'agit tout simplement de Carl Craig, c'est un Américain et il fait de très très bonnes choses. Et d'ailleurs justement, notre ami Huggy va nous en dire un petit peu plus sur cet artiste. Donc c'est le label Carl Craig, comme tu l'as signé. Hein. Ah, c'est le label Carl Craig. Non, mais non, c'est l'artiste. Ah ouais. Là c'est une boutade je pense, Guillaume. Et j'ai pas suivi en fait. Bah tu as dit on va présenter le label de la semaine. Ah d'accord, bah ouais non, c'est parce que j'entends label donc je suis resté là-dessus. Ouais, autant voilà. pour moi. C'est pas grave. Je me tais. Il se tait, donc nous nous taisons. Donc Carl Craig. Donc il est né à Détroit, donc une ville très influente dans le milieu techno. On a dit que t'allais faire une dictée en fait. D-E-T-R-O-I-T. O-D-I-L-E. Ça peut bien dire. Donc il est né à Détroit en 1969. Ouais. Et puis dès l'âge de 20 ans, il fait la rencontre de Derrick May, un très bonne artiste date, hein. Très influent. De... artiste très influent de Détroit aussi, qui est un des précurseurs de la techno avec Rowan Atkins et La Clique. Et très vite, il lui demande de remixer quelques morceaux, etc. pour lui, de remasteriser quelques tracks. Et puis il se lance tout simplement tout seul dans la production. Sous le pseudo d'abord Rhythm is Rhythm. Où il commence à faire une tournée un peu partout, même jusqu'en Europe à l'époque. C'était un des premiers à débarquer en Europe d'ailleurs. Il a beaucoup de pseudos, notamment il y a aussi le Psyché et le 69. Il aime beaucoup le 69 d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Hein. C'est marrant, ça. Il doit être généreux, je pense. Voilà, il sait de quoi il parle, Guy. En 95, ils font le label Rétroactive, où il sort d'ailleurs un de ses plus gros tubes, le Paperclip People, le Throw. Un track d'ailleurs que notre ami HS jouait beaucoup, l'histoire d'aller faire un petit tour aux toilettes du côté de la Goa. Ah, j'en connais des anecdotes. Hein. Donc... il va tout balancer ce soir avant de partir à Miami. On salue Hervé au passage. Et Donc en 95, il sort son premier album, Land Cruising. Il fonde par la même occasion son label, le label Planète E, sur lequel il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de classiques et de gros tracks, notamment le Climax, qui est un de ses morceaux les plus connus. En 99, il commence un projet jazz sous le nom Inner Zone Orchestra. Il est d'ailleurs venu au Grand Mix de Tourcoing à l'époque faire un petit concert. Pas possible de se concentrer. J'ai envie de tourner après. C'est difficile. Et il se caractérise aujourd'hui beaucoup par ses remixes. Même s'il est un très bon producteur, ses remixes, il prend tout simplement l'original et en fait carrément quelque chose de différent, en gardant le vocal par exemple. D'accord. Là, c'est justement ce qu'on va vous faire écouter avec l'artiste Tony Allen. Tu parlais de 69 tout à l'heure. Impossible de se concentrer. C'était quoi ça? C'était une histoire. J'ai l'impression que c'était plus une stick. Ouais, c'est ça en fait. Il limait en fait, c'est ça? C'est ça. Il limait, ok. Il lime. Donc, nous allons écouter le track de Tony Allen avec le titre Kilo D, remixé par le Carl Craig sur le label Honest John Records, un label anglais. Et on reconnaît bien là la touche de Carl Craig. Écoutez, c'est à découvrir, redécouvrir. On ne s'en lasse pas. We'll be right back. C'est naze. Je voulais justement parler. Bon, dommage. Elle t'a coupé la parole. Elle m'a coupé la chic. Carl Craig à l'instant, donc le label Carl Craig, hein, c'est ça? Non, j'ai toujours rien compris. C'est l'artiste Carl Craig. Ah bah oui, c'est ça en fait. Ouais, je comprends maintenant. Ouais, il me faut du temps, moi. Guillaume, tu es autre. Il me faudrait un petit verre de limonade. Oui, c'est vrai. Ah, ça serait pas mal. Allez, on enchaîne tout de suite. Donc, quelque chose à rappeler peut-être sur Carl Craig? Bah, juste, on va rappeler son site. Il y a une très belle vidéo d'ailleurs sur le site où il retrace un peu son parcours. Il raconte un peu sa vie, un peu comme l'a fait Laurent Garnier dans Electrochoc. Donc, c'est www.carlcraig.net ou sinon www.planetei.net. Très bien. Vous aurez toutes les infos et notamment sa dernière compile Session. Impeccable. Toute l'actu de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Il y a eu un petit problème de jingle à l'envers. Ah bon? Mais oui, puisque nous allons parler du club Le Bobino. Mais on est toujours là, toujours présent. C'est une émission un peu à l'envers. On commence par la fin et on termine par le début. On est comme ça ici. Ah, c'est marrant parce qu'en général, tu mets jingle 1, jingle 2. Mais oui, mais c'est parce que là, on a inversé. Jingle bas. Oh, voilà. Allez, et oui, donc Le Bobino, on rappelle, c'est là où les grosses têtes, notamment officient. Guillaume, d'ailleurs, a posé candidature. Et après, j'ai remplacé Philippe Castelli. Et après deux refus de Gunton, et ben c'est moi qui postule maintenant. Voilà. Donc on va parler du Bobino, donc un lieu très connu de Paris, pas seulement au niveau clubbing, puisque c'est tout nouveau. Ça, apparemment, c'est depuis le début d'année qu'ils ont commencé à pratiquer l'activité clubbing. Donc en fait, à la base, c'est un cabaret qui a été racheté d'ailleurs par Gérard Louvin. Donc c'est lui le maître des lieux. Et il a décidé, tout simplement, au-delà du cabaret, de donner une autre vie et de donner un nouveau souffle au clubbing parisien. Très bien. En essayant de recréer, je sais pas si c'est la vérité, parce qu'on n'a pas encore été, mais un mélange entre le Studio 54 et le Palace, au niveau de la déco d'ailleurs. Mmh. Sinon, au niveau programmation, assez éclectique. J'ai regardé un peu les artistes qu'ils ont reçus. Il y a eu quelques artistes house comme Kenny Dope, Little Louis Vega, DJ Gregory, Jeff K. Après des artistes un peu plus électro, on a eu Jeff K, Yvan Smag, Hélène Alien, aussi des DJ de charme. J'ai vu qu'il y avait Nicki Bellucci. Je vois qu'elle est partout. Hein. Sympa. Sympa. Donc c'est tous les vendredis et samedis à partir de minuit et demi. Ça se passe au Bobino Club. À noter que le DJ est disposé sur une scène, donc ce qui change un peu des endroits habituels. Et il y a aussi un très bon sound system et une capacité de 1000 personnes. Donc c'est tout nouveau, c'est tout frais. On vous conseille d'aller découvrir ceci. C'est du côté de Paris, au Bobino Club. Et puis passez un bonjour à Philippe Bouvard. Ça clique. Très bien. En tout cas, il y a beaucoup de monde de Paris qui nous écoute. Hein. Oui. Ouais. Oui, oui. Oui. C'est si, c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir, c'est les grosses têtes. Alors là, non, il faut enlever la musique, vas-y. Refais une imitation. Sur le grand père de l'orche. Excellent. Et donc, la semaine dernière, il recevait notre ami Kenny Dope. C'est pas la bonne musique. C'est vrai? Oui. Ah, c'est Hook. Oui. Et moi, je suis un mix ici. Moi, j'improvise. Regarde. Donc un extrait d'un peu partout de, ce soir. De ce qui se joue là-bas. Donc avec l'invité qu'ils ont eu la semaine dernière, vendredi dernier, c'était Kenny Dope avec le titre No Hook. Donc il n'y avait pas de hook. En même temps, là, c'est sur le label True Friction. Dispo d'ailleurs sur TrackSource. Je pense que c'est sorti uniquement en digital d'ailleurs. Ça va sortir en vinyle la semaine prochaine. D'accord. Ah, c'est dur ce soir, c'est dur. C'est l'émotion, la Miami, Miami arrive bientôt, Miami arrive bientôt. Allez donc, le meilleur du clubbing avec tout de suite un extrait donc de Kenny Dope. Voici No Hook, ça s'appelle Free Friction. Avicii avec un instant un très très bon titre. Tout à fait, oui, avec No Hook de Kenny Dope sur le label Three Friction. Attends, je fais mes devoirs. Et si vous voulez plus d'informations, www.myspace.com/KennyDope. Alors que revoilà Madame la sous-préfète. Elle est ici. Le meilleur du clubbing et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Art and Soul. Art and Soul. Alors justement, gros agenda, on entend déjà les papiers frissonner. Mais avant de parler de l'agenda, bien sûr, on va parler de la Winter Music Conference. Forcément. Mais oui, parce que on y est très proche, on n'a jamais été aussi près d'ailleurs. C'est vrai. Ça sent bon tout ça, ça sent bon le soleil. Alors on va parler un petit peu justement de cette Winter Music Conference 2008, qui est c'est la 23e édition, ce que je disais tout à l'heure, pas de cette fois-ci cette année. Ah, apparemment, on vient de me dire à la météo que justement c'était nuageux, 23 degrés, ma foi quand même. Tant qu'il n'y a pas de cyclone, ça va. Mais je pense que c'est pas trop l'époque, ça va quoi. Alors donc, comme je disais, c'est la 23e consécutive, donc c'est l'une, d'ailleurs, le plus gros événement de l'année en tout ce qui est industrie de la musique électronique. Donc on peut retrouver vraiment tous les plus grands DJ du moment, ainsi que les labels du moment, et aussi les promoteurs, organisateurs de plein de choses, vraiment tout ce qui tourne autour de la musique électronique et de la nuit. Ça se concentre vraiment sur South Beach, donc Miami Beach en fait, mais plus dans le sud de Miami Beach. On peut retrouver vraiment de très grosses soirées, à savoir que ça commence du matin au soir, donc il y en a vraiment pour tous les goûts musicalement. On peut passer de la house, l'électro, un peu de hip-hop aussi. D'ailleurs, je pense qu'il y a une conférence qui est faite. Oui, c'est deux semaines après. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, il y a aussi des événements qui se font à travers ça. Faut compter, une petite centaine d'événements par jour, qui est plus ou moins concentré dans les mêmes endroits, donc ça fait plutôt pas mal. Donc il faut se diviser quand même, hein, pour trouver vraiment son bonheur. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Sinon, les plus gros événements se concentrent dans les clubs, genre le Space. Où on retrouve des afters avec les plus gros DJ comme Eric Morillo ou toute la clique, Roger Sanchez et compagnie. Il y a le Set, Mansion et l'Opium Garden. En fait, je dis ça parce que c'est tous les trois le même groupe. Donc là où il y a vraiment de très très gros événements. Puis après, il y a plein de soirées dans les hôtels. Je te mets un peu d'air. Ouais, ok, l'après-midi. Oh oui, ça fait du bien. Il fait chaud ici dans les studios. Je sais pas justement ce que c'est cette chaleur. C'est Miami. Où, ça c'est Miami. Ça vient de où ça, Tony? Bonne question. Je me demande d'où ça vient. Voilà un petit peu plus ou moins les grosses soirées. Bah, de toute façon, je vais pas parler trop longtemps puisqu'on va parler un petit peu de l'agenda qui est quand même assez fameux. D'ailleurs, on va faire court puisque il y a quand même pas mal de soirées. Ah, et d'ailleurs, sur le site Earth and Soul, vous allez pouvoir retrouver. Donc, on a fait vraiment un descriptif des plus grosses soirées à ne pas manquer. Donc, pour tous ceux qui y vont, n'hésitez pas à aller faire un tour sur myspace.com/Earth and Soul Sound. Donc, dans le blog. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Nous, on va reprendre plus ou moins les plus grosses soirées avec les artistes. Bien sûr, on va pas tout énumérer, mais bon, vous endormez, les gars. on tire les bouteilles. Le tire-bouchon. Donc voilà, par contre, j'ai avant de passer justement à ça, t'as quelque chose à rajouter, mon cher ami? Ben non, rien de spécial, un petit track à écouter pour serait bien donner l'ambiance musicale un peu. Ma foi. C'est vrai. Alors, je ne sais pas justement d'où vient ce track, mais en tout cas, c'est un très très bon track. C'est sur le label Ultra, donc un label anglais. Je pense parce que pourquoi j'ai pris ce track-là, je pense que c'est parce que c'était l'Ultra Festival. Il y a l'Ultra Festival en même temps, justement, oui, un des plus gros festivals justement du moment, la conférence de Miami où on retrouve les plus gros artistes. Et ça m'a fait penser à ça, tiens. Voilà. D'accord. D'ailleurs, c'est toujours pas ce morceau. Pourquoi en fait la conférence, c'est vrai? Pourquoi la conférence se fait à Miami? Non, c'est une blague. Pourquoi se fait-elle à Miami? Ben, je pense que c'est aussi un moment de vacances un peu pour les artistes, puisqu'on a beaucoup d'artistes qui viennent jouer aussi gratuitement. Donc c'est aussi le moment pour les artistes de faire leur autopromotion. Et puis à ce moment-là de l'année, il fait vraiment beau, mais ouais, il fait pas trop chaud. Parce qu'il y a tous les copains, tous les moitiés de copains, tous les Miami, les demi, tous les moitiés. D'accord. Ah, c'est bon, ça je l'entends, il arrive. Alors écoutez, le nouveau track, non, ce n'est pas un nouveau track, mais en tout cas, ça représente la Winter Music Conference de cette année. N'hésitez pas à aller faire un tour d'ailleurs sur leur site wintermusicconference.com. Et on écoute tout de suite M-Y-N-C. Donc c'est Mink Project. Mink Project, voilà. Et Carl Kennedy feat Rochford avec le titre Why the Storm, un remix de Nacho Marco, donc toujours sur le label Ultra. Et donc écoutez bien ce titre parce qu'il y a une basse phénoménale. Alors n'hésitez pas, mettez le son à fond dans votre voiture. Ouais. Je parle sur la voix, on a rien vu. C'est pas, on va dire. Et même chez vous, allez-y, faites péter. Avec un instant le Mink Project et Carl Kennedy feat Rochford avec le titre Ride the Storm, le Nacho Marco mix disponible sur le label américain Ultra Records. Plus d'informations directement sur leur MySpace, www.myspace.com/Mink Project. Hein, oui, c'est ça, je suis très fort, mon cher homme. Mink Project One. Ah oui, il a le One. Mink Project One, exact. Donc, mais sauf que ça s'écrit en 1, vu que. Un pour la France. Un pour la France, tapez deux pour le miel. Le meilleur du club et l'agenda des soirées, c'est tout de suite dans Art & Soul. Guillaume y a pris des trucs bizarres aujourd'hui. C'est faux. Tu es énervé comme je sais pas quoi. Non, j'ai pris un petit peu de canigou euphorisant. D'ailleurs, on m'a posé une question sur un forum. On a parlé de justement du canigou. Ça voulait dire le canigou. Moi aussi, on m'a demandé. Canigou. Ouais, oui, c'est un nouveau. Non, c'est du canigou euphorisant, vous connaissez pas? Non. Ok. C'est canigou pour le toutou. Par mon toutou. Ouais, par exemple. Non mais sérieusement, on a posé la forum en disant il doit avoir quelque chose. On m'a posé le forum. On m'a posé une question sur un forum en demandant plus précisément ce que ça voulait dire. Enfin, que le canigou. Qu'entends-tu par le canigou? Qu'entends-tu par là? Je n'entends rien. Les gens n'ont qu'à chercher sur internet. Je ne dirai pas la réponse. D'accord. Alors bah écoute, on va lancer le petit agenda qui m'a l'air ma foi pas très petit. Hein, non, très très grand, il y a 3.5 pages quand même. Oui, il faut le savoir. Bon, on va vous sélectionner le meilleur. Voilà. Bah, alors, le meilleur, c'est à l'hôtel Chelsea. Hein. Oui, mais on n'est pas modeste, hein, on se lance pas des fleurs. Je vois déjà des lunettes noires. On n'est pas modeste. Non, c'est le contraire, je voulais dire. On est, excusez-moi, je voulais dire à l'envers, modeste. Ouais. Ah, ça va, hein. Ça va. Bon, Bon alors, donc on se la pète à mort. Le mardi 25, il y a la soirée Art & Soul du côté du Chelsea Hotel avec Glenn Underground, Jamie Tynes, Yas, Ralph Gomme, un peu Sven Vaness, un peu tous ceux qu'on a fait passer ici, ne serait-ce que par leurs morceaux ou par leur intervention directe. Tout à voilà, fait. Exactement. Et en plus, vous pouvez même retrouver un article très sympa dans le nouveau magazine Going Out en page numéro. Mais il n'est pas marqué en plus les pages là-dessus. Donc c'est dans le. Dans le début. Ouais, juste voilà, à côté de la soirée au Stade de France de Cathy Guetta. Et juste à côté de la petite pub aux Indes, tout simplement. Donc ouais, c'est entre les deux, vous pouvez lire ce petit article, c'est bien sympa. Le mois prochain, normalement, il suivra justement le retour de cette soirée. Donc, okay. Alors, la House Society aussi, que vous retrouverez le mardi 25 avec John Cotler. attention, je le dis cette fois-ci. David Arnes, Allo, Jojo Flore. Ensuite, la Defected avec Junior Jack et Kid Creme, Joe Negro, DJ Spen, DJ Gregory, Art Soul, Mr. V, Simon Dunmore. La Get Large Miami au Sub Live, toujours le mardi 25 avec André Harris, Groove Junkies, Chuck Love, Roy Davis Jr., Jask et j'en passais des meilleurs. Le mercredi, on passe au set avec Danny Howells au Mansion avec Roger Sanchez. La soirée subliminale avec Eric Morillo au Cameo. Le Sob Live avec Jessanova et Bugs Asiatic. Oui, un ping-pong. Il y a vraiment un ping-pong qui se fait. Sans oublier les 15 ans du label King Street. Donc, gros événements au Sunny Building avec Quentin Riss, Roland Clark, Studio Apartment, Louis Barrow, Julius Mann. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a eu un. Oui, Monique Bingham, Barbara Tucker, Joe Cardwell. Enfin, bref, il y en a plein. Le jeudi, la Objectivity avec Dennis Ferrer, les Martinez Brothers, Charisma, Abby Cassoul. La soirée au caméo avec George Morel, Mark Knight, Kurt Maverick, Richard Gray, Jyoti Vanelli et j'en passe et des meilleurs encore parce qu'il y en a beaucoup. Le vendredi, la Buzz in Fly avec Ben Watt, Christian Pommer, Justin Martin et Rocco. Pourquoi rien? Pour rien. On aura d'ailleurs l'occasion de l'entendre très prochainement, je pense, notre ami Rocco. Toujours le vendredi, la soirée MN2S à ne pas manquer à l'Opium Garden avec Fede Legrand, Todd Terry, Marc Farina, Joey Negro, Body Rocks, Jyoti Vanelli, Cascade, Martin Solveig, Brian Tappert, blablabla, et blablabla, il y en a plein. L'Ultra Festival qui se déroule en même temps avec Tiesto, Justice, Roll Alcan, Carl Cox, Danny Tenaglia, Dead Mofave, Richie Houghton, Josh Wink, pour ne citer que les meilleurs. Sans oublier une petite soirée pour les amateurs de bon hip-hop au Mansion avec Jazzy Jeff, que tout le monde connaît en tout cas pour ses sets très hip-hop underground. Allez, je le place celui-là. Et puis ensuite, du côté du L'Opium, toujours le lendemain, Opium Garden. Avec Am, Dixon, Miguel Mix, DJ Harvey, Andy Caldwell, Fred Everything, Alex from Tokyo et bien d'autres. Eh oui, je vous le dis. Un petit changement afternoon, donc en fait c'est un genre de bon petit after au Beach Plaza. Vous allez retrouver l'ami Jamie Lewis que Tony adore, Andy Caldwell, Jask, Brian Tapper, toujours les Groove Junkies qu'on parle toujours, Justin Michael, Adam Auburn, s'il vous plaît. Je l'ai placé aussi celui-là, Around Day et bien d'autres. On passe au dimanche, surtout une grosse soirée la de dimanche. La Back to Fundamentals, bien sûr. Voilà. On aura Claude Monet, Martin Solveig et plein de guests du côté du Nikki Beach. Et puis l'après-midi, du côté du Shelbourne Hotel, un gros événement ne pas rater. Au bord de la piscine. Au bord de la piscine, on y sera d'ailleurs avec un set hip-hop exclusif par les Master at Work, Marc Farina, DJ Spina, Jazzy Jeff aussi. Donc ça Gary va être. Hunter. Ouais, aussi. Toute la clique. Ça va être méchamment méchant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du MySpace, myspace.com/earthelsoulsound. Il y a plus d'infos sur toutes les soirées. Donc, parce que là, on en a énuméré quelques-unes, puisqu'on est déjà en retard. Je vois qu'on dépasse le 7h et qu'on a même pas pu faire encore notre Track Remember qui nous tient à cœur cette semaine. C'est full moule ça. Oui, c'est full moule. Il y a un concours de mots, quoi. Oui, c'est ça. On a placé, en fait, on place des mots depuis tout à l'heure. Donc ça s'est fait. Voilà. Bon, le Track Remember, on y passe? Ben oui, ma foi. Allons-y. De suite? De suite. Allez. Il est prêt, il est en vinyle, il est chaud, il est en white. Mais quel est-il? Eh ben, c'est Trailers. Trailer Ends. Voilà, c'est avec bon, le titre, il a fait. Running Around sur le label Downtown 161. Ça sent très old school. Remember à l'instant sur Galaxy avec Trailer Hands Running Around sur la belle Downtown Records. Et à ton avis, c'est qui est là-dessous? Je ne sais pas. Présenté par TJ Tennyson, Guy Anton et Kyo. Earth and Soul. Non, c'est pas Earth and Soul qui est là-dessus, c'était Kerry Chandler. Ah, d'accord, bah oui, il était marqué dessus. Bah oui, il y a une pastille verte. C'est comme le port salut. Ouais, voilà. Non, mais tu m'as troublé tout à l'heure quand tu m'as dit quelque chose. Et on bat les records aujourd'hui. 7h05, ma... Bravo! Ouais, 7h06 même. Oui, quand même. Tu pourras aller faire ta petite crotte après. Oui. Ah, il faut le dire quand même, parce que c'est vrai en plus. C'est la chasse d'autres galaxies. Alors, ah, elle fait du beau, il y a la chasse d'autres galaxies. Ah. Problème, il va falloir demander à Jean-Pierre qui répare tout ça. Bon, alors vous êtes prêts pour partir et prendre l'avion? Vous partez vers quelle heure? Quand? Lundi matin, vers pour 10h30. D'accord. En espérant que ce soit pas comme ceux qui sont restés bloqués 9h sur la piste d'Orly pour le vol Roissy-Miami hier. Ah bon? Ouais. Ah, j'ai pas vu ça. Ça va, tu fais regardez pas les infos ce soir, vous allez voir. Comment ça se fait? D'accord. Bah dis donc. Ce qui s'est passé. Arrête, tu me fais petit problème de réacteur, il me semble. Ah ouais, carrément? Ouais. Oh, mais ça arrive pas souvent. Vaut mieux que ça arrive à la terre que dans les airs. Hein. Parce que moi, je suis un peu en train de stresser. Bah, sinon, on te retrouvera dans la série Lost. Hein, c'est ouais, c'est vrai, ça pourrait être bon aussi, ça. Ma foi, on va devoir se quitter. Mais petit exclu, même. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, en direct, on vous parlera De Miami. Ouais. On sera en direct de notre soirée, d'ailleurs. 6 heures justement. De décalage. Ah, oui, en pleine soirée en plus. En pleine soirée d'après-midi. En pleine après-midi, quoi. En pleine boum. Goûter, en fait. En pleine boum, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ce sera le quart d'heure américain. Ce sera les garçons invitent les garçons. Ah, on aime ça, ah, en plus. Sympa, là-bas. On aime ça, nous, inviter les garçons. Ah, on aime ça. Il y en a qui savent pourquoi. Ils savent comment. Bon, restons sérieux. Donc, oui, soyons earthandsoulmusic.net, c'est le site de l'émission. Voilà. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez surtout pas à le faire directement sur le MySpace, si toutefois vous êtes déjà inscrit. Donc, myspace.com/ Earth and Soul Sound. Voilà, sans S à la fin. C'est au. Voilà. Et donc, ben, on se dit pas la semaine prochaine, on se voit juste virtuellement. Par contre, la semaine prochaine, un mix Earth and Soul, rien que pour vous. Non, je tiens à le dire, parce que tout le monde croit peut-être qu'il n'a pas d'émission, mais si, il mais y a si, une émission. L'émission est déjà préparée. Et oui. Et voilà. Déjà préenregistrée. C'est incroyable. C'est du grand professionnalisme. Alors, on était dans les studios de la Plaine Saint-Denis avec le public. Studio 54. Bon, on y va, on va te laisser quand même, il faut que tu Allez. Travailles un peu. Bah, et ramenez-nous des couleurs là. Hein. Oui. On vous ramène des couleurs, des cadeaux, des CD à gagner pour plein la rentrée. Choses, plein de nouveaux choses, ouais, plein de nouveaux trucs. Plein de nouveautés et puis plein de bonheur. Et si vous, voyez Horatio, dites-lui bonjour de ma part. Hein. Pas de soucis. Hein. Même aux autres. Hein, il y aura les mains sur les hanches. Allez, à la semaine prochaine, donc par téléphone, hein, de Miami. Ça marche. Salut Guillaume, salut à Bonne tous. Bonne soirée à tous. À bientôt. Salut. Salut. Guillaume.